pour mes Gucci. J'ai vendu du shit pour mes Gucci. J'pourrais te raconter toutes ces broutilles. Ma chérie veut porter ses routines. Donc je vais retourner dans le palier. J'ai vendu du shit pour mes Gucci. J'pourrais te raconter toutes ces broutilles. Ma chérie veut porter ses routines. Donc je vais retourner dans le palier. Serre-moi un verre, mauvais garçon. Ramène la vodka, pas de glaçon. Il veut pas payer la petite rançon. Je vais placer sa tête sous mes Gucci. Ses bâtards connaissent pas le palier. Ils se gênent pas pour en parler. Je m'inquiète pas de la voir s'en aller. Elle m'aimera tant que je fais le papier. Et même les boucas font les tarés. Les plus grosses folles se sont mariées. Et rien n'a changé avec Macron. Je me réveille toujours pour le charbon. Je me réveille toujours pour le charbon. Ouais, rien n'a changé avec Macron. Je me réveille toujours pour le charbon. Mon calibre désigné le fautif. J't'ai déjà dit j'ai le plan des outils. J'te prépare un cercle, c'est routi. J'ai tout le confort qu'il te fallait. Milliers d'euros, faut que j'me casse. Coffret mélange, faut que je brasse. Billets, billets, billets, mots. J'prends le monde pour toi et moi. Pour te le dire, j'ai pas les mots. Ouais non, mon calibre désigné le fautif. J't'ai déjà dit j'ai le plan des outils. J'te prépare un cercle et c'est routi. J'ai tout le confort qu'il te fallait. Illuminé par le blason, illuminé par le gazon. J'me réveille à 15h gazé. Amnésiaire dans la sacoche Gucci. On est trop fiers pour en parler. Beaucoup trop fiers pour en parler. Toutes nos douleurs nous les gardons. Et on porte notre fardeau. Je fais pleurer ma mère depuis tout petit. Pour mes principes et c'est futile. Je fais pleurer ma mère, j'ai pleuré ma peur. Je vais faire pleurer la tienne pour le charbon. Non, faut que je me casse. Non, faut que je brasse. Rien dans la tête, rien dans la poche, plus rien à perdre. Je suis bien dans ma tête, ce client m'attend dès le matin. Je fais pleurer ma mère depuis tout petit. Je fais pleurer la tienne pour des broutilles. On a failli qui sont les fautifs. Je vois les autres s'habiller en Gucci. Et me regarde haut, c'est la routine. Demain je vais retourner au charbon. Je les laisse faire les gros dans la ville. Un négo dans la bouche, il claque un mago dans la nuit. Je les laisse faire les gros dans la ville. Le big au sol, mon frère, c'est la rafale au bout du fil. Big au sol, mon frère, c'est la rafale au bout du fil. Le big au sol, mon frère, c'est la rafale au bout du fil.